Les éditions de l'avenir présentent Les arènes d'Aubioche. Une aventure de Mazas Pavel, roman fanique d'André Bory, paru à l'origine dans Basis hors série, numéro 9. K00 dans le rôle de Mazas Pavel, Ezwa dans le rôle de l'émir, Kael dans le rôle du docteur du Tora 2, Christian Martin dans le rôle du matelot du Tora 2 et à la narration. Chapitre 6, troisième partie. Lorsque Mazas reprit conscience, elle était allongée sur une couchette contre le mur blanc de la salle de soins d'un vaisseau. Malheureusement pour elle, la jeune femme avait eu plus souvent qu'à son tour l'occasion de s'y retrouver et elle n'avait pas de difficulté à reconnaître les lieux. Un homme, à l'allure juvénile et vêtu d'une blouse verte, veillait à son chevet. Un bon sourire éclaira son visage aux traits ingrats lorsqu'il s'aperçut qu'elle avait ouvert les yeux. Content de vous voir réveillée, madame. Bienvenue à bord du Tora 2. Comment vous sentez-vous ? Bien, très bien même. Pour tout dire, j'étais dans un tel état quand l'émir m'a secourue que je ne peux que me sentir mieux. Il est vrai que vous n'étiez pas très fraîche lorsque le lieutenant vous a amené à bord, mais à voir vos cicatrices, j'en conclus que ce n'est pas la première fois que vous avez recours aux soins de robots mythiques. Vous avez tout à fait raison. S'esclaffa-t-elle. Cependant, cela ne me coupe pas l'appétit, je vous l'assure. Excusez-moi, je manque à tous mes devoirs. Il appuya sur le bouton pressoir de son minicom de poignet et annonça « Mazas Pavel vient de se réveiller. Veuillez en aviser le lieutenant l'émir et faire préparer un plateau de nourriture. »« Bien, docteur. » La Karzassienne laissa son regard errer à travers la salle, notant le bloc opératoire situé en plein centre, surmonté de la masse aux multiples appendices, pour l'instant au repos, du robot médic, et les étagères dans des vitrines recouvertes d'outils et de flacons. Elle termina son inspection par un coup d'œil au jeune médecin et un sourire lui échappa lorsqu'elle s'aperçut qu'il avait les yeux fixés sur elle, plus spécifiquement sur une partie de son anatomie dévoilée par le glissement de la couverture quand elle s'était redressée. Une rougeur subite empourpra le visage de l'homme qui se mit à balbutier n'importe quoi d'un air très embarrassé. Gentiment, et tout en recouvrant son torse à l'aide du drap, Mazas s'expliqua. Je vous raconterai peut-être un jour les circonstances qui m'ont amené à me promener aussi peu vêtue. Ce qui accentua encore, si c'était possible, la couleur écarlate prise par l'épiderme du praticien. Heureusement, l'apparition subite du mulot castor, les bras chargés d'un plateau de victuailles, rompit le malaise du jeune homme qui en profita pour s'éclipser en invoquant une vague urgence. Lilt découvrit son incisive en un grand sourire. S'il avait bien décrypté les pensées de ce novice, il trouvait un certain farme à tes renflements mammaires. Elle éclata de rire. C'est un peu ce que j'avais supposé à son regard, mais le pauvre est suffisamment confus pour qu'on n'en rajoute pas. Oui, tu as raison. Cependant, nous nous trompons peut-être. Il est envisageable qu'il n'ait considéré ses avantages que sur un simple plan médical. Je te retrouve toujours aussi moqueur, mais ça fait du bien. Cela mis à part, tu ne peux pas savoir le plaisir que j'ai éprouvé à te voir apparaître quand les chiens me sont tombés dessus, et je ne te remercierai jamais assez de ton intervention. L'émir se redressa de toute sa courte taille et bomba le torse. Secourir les demoiselles en danger est un de mes passe-temps favoris. Lorsque je ne suis pas en train de sauver l'univers, bien entendu. Trêve de plaisanterie, vas-tu me dire par quel miracle tu es arrivé à point pour m'éviter d'être dévoré par ces molosses ? Pendant que tu manges la bonne nourriture que je t'ai apportée, je vais tout te raconter. Et tu verras que le miracle en question est d'ordre très technologique. Il aida la jeune femme à s'installer confortablement contre une pile d'oreillers, puis il lui posa le plateau sur les genoux. Il empoigna ensuite une chaise, s'assit dessus avec les fourchons pour permettre à sa queue plate de s'étaler sans contrainte, et entama son récit lorsque sa patiente enfourna sa première bouchée. Tu as dû remarquer que Kazom portait une boucle d'oreille. Oreille ? M'enchouilla-t-elle. Cela m'a d'ailleurs surpris, mais j'ai oublié de lui en parler. Figure-toi que ce bijou n'est pas destiné à mettre sa beauté en valeur, mais qu'il s'avit d'un hyper-émetteur miniaturisé par les Swan. Dès qu'il est activé, il émet un signal codé, comprimé en une nanoseconde, ce qui le rend quasiment impossible à détecter par hasard. Aussi, quand Atlan a appris la disparition du Pierre le Grand, il a rapidement demandé à toutes les flottes de l'Empire et de l'OMU de se mettre à l'écoute et, en cas de réception du signal en question, d'en déterminer l'origine et d'en aviser aussitôt le centre Quinto. Tant que Kazom était dans l'espace, il n'a pas pu utiliser son micro-émetteur car le navire se déplaçait. Cependant, dès qu'il a été à terre, il a pu s'en servir et c'est un vaisseau composite des Bioposis qui a été le premier à le capter. Le box 8640 a donc relayé le signal à OMU-1 en indiquant son point de départ. Tu connais suffisamment le Lord Amiral pour savoir que 3 heures après la réception du message, une flotte de 16 navires, accompagnée du Tora 2 qui revenait de mission, s'est lancée en direction de... Je ne connais même pas le nom de ce monde. Obiosh, son nom est Obiosh, et c'est le fief de Laritilco. Laritilco ? Voilà une nouvelle qui va ravir Atlan. Depuis le temps que l'OMU lui court après, on avait fini par se demander s'il existait vraiment. Tu m'as dit avant que je m'évanouisse que le colonel Ternay et le sergent Lamar avaient été sauvés et que ce pauvre Karil Hoffman avait succombé. Mais sais-tu ce qu'il est advenu de ceux qui avaient été envoyés aux arènes ? En détail, non. Bien que j'ai reconnu le schéma cérébral d'un certain nombre d'entre eux, dont Melbar. Cependant, avant de partir à ta recherche, j'ai téléporté ton ami Arx et une tête brûlée du nom de Black Bear dans l'amphithéâtre, tandis que le Tora 2 restait stationnaire juste au-dessus. Tu as retrouvé Arx ? Oui, je l'ai récupéré sur Coriolan 2 quand je suis allé y amener le représentant de l'OMU que les autorités locales avaient demandé à entendre avant de décider de leur attachement éventuel à l'Empire. Mais je dois avouer que ton ami Octopod est vraiment un drôle de paroissien. Il a absolument tenu à donner un coup de main, façon de parler, à ton frère Rick qui affrontait un monstre à 3 têtes uniquement à l'aide d'un sabre et d'un bouclier. Alors qu'il aurait été tellement simple de terminer le combat d'une seule des sardes radiantes. Mazas eut un grand sourire. Cela ne m'étonne pas de lui. Il est toujours en compétition avec lui-même pour se prouver qu'il est le meilleur. Et je crois bien qu'il l'est. Conclut-elle après un temps de silence. Puis une idée lui traversa la tête. La famille de Rumla, le conseiller du Rorak de Delia, précisa-t-elle en apercevant l'air interrogatif du mulot castor, a été enlevé par des pirates et ceux-ci ont fait pression sur lui pour qu'il neutralise l'équipage du Pierre le Grand, puis libère Lugarn et sa clique avant notre arrivée sur Carcel 3. Mais j'ai peur que le malheureux ait effectué tout cela pour rien, car les bandits les ont certainement aidés à disparaître. Non, je ne crois pas. À présent que tu en parles, je me souviens d'avoir vu un message signalant qu'une famille de Délian avait été sauvée par une patrouille de mercenaires. Il s'avit vraisemblablement de ceux dont tu t'inquiètes. Peux-tu t'en assurer ? Tes désirs sont des ordres. L'émir disparut instantanément et la jeune femme poursuivit son repas. Elle n'eut pas le temps de le terminer. L'air brasilla et le fleuron de la milice des mutants réapparut, son unique incisive découverte par un sourire. Ce sont bien eux. Un soupir de soulagement souleva la poitrine de la jeune femme. Voilà une bonne nouvelle. Maintenant, il va falloir en faire part le plus rapidement possible à Rumla, s'il est toujours en vie. Le mulot castor approuva du chef, ne pouvant cependant que répondre. Comme je ne connais pas son schéma cérébral et que je n'ai guère eu le temps de m'intéresser à tous ceux qui côtoyaient Melbar, je ne peux rien te confirmer. Elle le remercia d'un sourire et reprit. Sais-tu, l'émir, que peu avant ton intervention, j'ai sans doute eu la vie sauve grâce à un petit être que j'ai à peine pu entrevoir et qui m'a alerté alors que l'un des chasseurs me visait dans le dos. Tiens donc, et à quoi ressemblait-il ? Difficile à dire, car je l'ai tout juste aperçu de façon fugitive. Après, j'ai eu autre chose à faire. C'était un animal ? Oui, il m'a semblé. Pourtant, il a fait preuve d'une certaine intelligence, puisqu'il a su m'avertir et me montrer d'où venait le danger. Intéressant, ça ! Je crois que j'irai faire un tour sur le lieu de tes exploits, quand la situation sera de nouveau normale sur Oobioth. J'espère que tu m'emmèneras avec toi. Avec plaisir.